Ah oui, il y a un chat aussi, tu vois. Mais bon, généralement, il n'y a pas de questions. S'il y en a des fois, mais... Pardon ? Lily, je t'aime. Rendez-vous à la gare de Bourg-sur-Isère. Non, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère. À 22h30. Non mais je fais pas ça. Si tu vois que c'est rouge, là, c'est que ça s'appelle. Je vais parler normalement. Déjà, c'est pas facile avec ce micro. J'ai déjà chanté avec. Faut le tenir à 1 cm, même pas 1 mm de sa bouche. C'est pas Jojo. Je vais en acheter un neuf. J'avais fait plein de génériques, mais pour la pompe à vide. Il faudrait que j'en fasse pour les entretiens de Grenoble. Ils sont là, parle dans ton micro. Ils sont là, en bas, là. Ah ouais, super. Deux minutes, il reste. Plus qu'une minute. En fait, il y aura un petit décalage, donc on va, une fois que c'est à 18:00, on discute, mais ça commence vraiment que 30 secondes d'après. D'accord ? Oui. C'est décalé. C'est le lag. Le lag. Dans les parcs. Les gosses. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ou un petit pastis. Oh, un petit pastis. Allez. Les entretiens de Grenoble. Les entretiens de Grenoble. Les entretiens de Grenoble. C'est maintenant. C'est parti. Pour cette émission, je suis en compagnie de Lily Renaud-Dewar. Lily, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vais essayer de ne plus faire « C'est donc la deuxième... Ce sont les deuxièmes entretiens de Grenoble. La nouvelle version, on va dire, ou disons la nouvelle session. Cette fois-ci, avec mon invité, on a décidé, ou elle a décidé, plutôt d'aborder le thème de l'horreur. N'est-ce pas ? Oui, pas uniquement, mais oui. Uniquement. Donc en gros, pendant cette émission, on va passer des morceaux de rap que tu aimes bien, qui te sont très chers, qui sont très proches de toi. Et puis parler un petit peu de ton actu. T'as quand même une actu. Voilà. On aurait pu parler de ce que t'as fait l'année dernière, mais bon, c'est mieux de parler de l'actu. Une actu donc qui a un rapport avec le thème de l'horreur finalement. On comprendra pourquoi durant la rubrique actu, n'est-ce pas ? Oui, oui. Merci d'abonder. On va mettre un premier morceau que tu as choisi. Est-ce que tu veux l'introduire ? Oui, alors c'est deux morceaux de Lil Kim, donc une rappeuse que j'aime bien pour la proximité de son nom avec le mien et de son âge aussi. Et, quel âge a-t-elle, si elle a 44 ans, je crois. Et puis c'est un album qui a été composé en prison où elle avait été incarcérée pour faux témoignage puisqu'elle avait assisté à une fusillade et elle a refusé de témoigner. Voilà. Et ensuite, on va écouter, c'est une petite intro et ensuite le premier morceau de cet album. Ok, voilà. Intro et donc... Qui s'appelle The Naked Truth. Ok, donc c'est intro et ensuite spell check. Spell check. Let's go. Since 96, a chick been on TV like MTV and BET, so TRL and 106, I'm in heavy RO when they play my shit. Mama push whips like BM dubs and your BM trip when she see me in the club. Your man 5-0, I don't see him in the club, cause he out in CT with a dick in his butt. Y'all stay OT, well I stay OC, that's out the country with the ARABs. With my girl M to the O to the E, she ride like a soldier, that's my Cody. I'm Bella to that deafen, don't ask why, cause the mafia is P-U-S-S-Y. And I'm more nigga than them bitch ass guys, cause they took the stand on the D-A side. I'm the B-A-D-D-E-S-T, chick in the game. What the fuck, I gotta spell it out? G-A-N-G-S-T-A, what more can I say? What the fuck, I gotta spell it out? B-K's fine, straight out the S-T-U-Y. When the girls stay fly, yo, what the fuck, I gotta spell it out? It's the Q-U-E-E-M-B-E-E, hoes wanna be me. What the fuck, I gotta spell it out? The Lamb or the Ferrari when I'm in my A. Take the spider down the strip when I'm in VA. The game's slow, gotta put a little work in D.C. I ball like I'm WNBA's MVP on ESPN or NBC. I like it raw like my boy the late ODB. Stop pulling out them burners on the DVDs. You gotta body a motherfucker to impress me. My boys keep the MAC in the SUV and the air something out on the AVE. I'm in the BNZ doing a buck 03, tearing the clutch down on the BQE. Get at niggas quick if they try to move me. ASAP like T.I.P. You get chopped and screwed. Honey girl, don't play. Nigga, we ride dirty like UGK. I'm the B-A-D-D-E-S-T. Chick in the game. What the fuck, I gotta spell it out. G-A-N-G-S-T-A. What more can I say? What the fuck, I gotta spell it out. B-K's fine, straight out the S-T-U-Y. When the girls stay fly. Yo, what the fuck, I gotta spell it out. It's the Q-U-E-E-M-B-E-E. Hoes wanna be me. What the fuck, I gotta spell it out. Make a wish when you see me like a falling star. Give a lot of y'all careers CPR. First lady at the top of R.A.P. I'm on my T.O.E.s, getting that D.O.E. B-I-G-M-O-M-M-A. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap to sell and the phone in my basement. The IRS trying to take my pay. And plus I'm being spied on by the CIA. I lops it, I'm toxic like DDT. My flow get you high like PCP. I'm number one downloaded on your MP3. I bang on you niggas like an NPC. I make a nigga nut in this D&G. Cause no one do it better than the one QB. I'm the B-A-D-D-E-S-T. Chick in the game. What the fuck, I gotta spell it out. G-A-N-G-S-T-A. What more can I say? What the fuck, I gotta spell it out. B-K's fine, straight out the S-T-U-Y. When the girls stay fly. Yo, yo, yo, yo, yo, it's the Q-U-E-E-M-B-E-E. Hoes wanna be me. What the fuck, I gotta spell it out. Okay. What the fuck do I have to spell it out? Son nom, donc. Elle parle de son nom, j'imagine. Eh oui. B-I-G-K-K-I-M. C'est ça. Non, Lil Big. Non, c'est pas ça. Big Kim. Big Kim ou Lil Kim. Confond avec Notorious Big. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Lily, je voulais te demander comment. Est-ce que tu peux me donner un bulletin météo de ton esprit en ce jour du 20 mai 2020. Ou pas? Ça va. Ok, merci. On passe à une autre question. Est-ce que tu as un autre morceau à mettre? Oui, alors le prochain. Mais tu veux mettre un de tes morceaux aussi? Puisqu'on est là quand même, on fait de la promo en fait, c'est pas de l'actu. Alors j'avais voulu. Ouais, Delay okay. un peu de suspense. Oui, oui, et puis quand on aurait abordé le sujet vraiment. Mais bon, on peut. Pas de problème. Alors, prochain morceau, Gangsta Boo, Shifa Sharifa. Ouais, très bien. Très, très bien. Donc c'est sur une compile de DJ Paul qui est sorti en 94, voilà, donc Lil Kim c'est pas Memphis, mais par contre Gangsta Boo et Free Six Mafia c'est Memphis. Ouais, et là c'est pour que tu puisses prendre ton sirop. Ok, ah oui c'est vrai. N'oublie pas ton apoplexil. Fucking shit. your shit. Cause if you do, it's on once again. Bring your ass over here and smoke one, bitch. Like yelling, smoke one bitch. When I hit the masses, do this shit just how I fucking wanna. Do this shit real slow, not fast. Fill me up with marijuana. As I inhale the smoke, I start to choke, but I don't give a fuck. High as hell, can't you tell? But damn, I'm just not high enough. I just love the smoke, I like the way it feel to get real high. Listening to some pimping as I roll me up some more than five. I don't understand these bitches that be scared to hit that dope. Crack the one that kills the weed. Fulfill your every need, so smoke. Weed is what you need to keep you crunk up in this world today. Best believe I stay crisp, cause clown and bitches where I stay. Gangsta boo don't give a fuck about a nigga with that shit, cause if he got some weed in his hand, I'm saying smoke one, bitch. Rifa, Chifa the Rifa. The Rifa, c'est la weed. Voilà, Reefer, Rifa. Chifa. Chifa, c'est le chief. Je te kiffe. Yes. Alors, un petit truc à dire sur ce morceau? Non, rien de spécial. Ok, c'est bien. Et donc, on va parler d'une nouvelle. D'un peu de ton actu, là. Ton actu 2020. C'est donc une actu 2020 qui est reliée à en fait quelque chose que tu as fait avant, en l'occurrence un film donc d'horreur, mais aussi un film parodique, un film critique, un vrai comment on appelle ça, un vrai coup de pied, un vrai vent d'air frais, voilà. voilà, donc ce film c'est Beyond the Land of Minimal Possessions, qui a été tourné à Marfa au Texas avec des étudiants à la HED, et donc qui est un film de zombie, on pourrait dire, bon oui, oui. Mm-hmm. dont en fait la bande son va sortir sur vinyle bientôt. Oui. Voilà. Sur vinyle, disque vinyle. Et qui donc a fait cette bande son? Bon, bref. Ouais, c'est. Voilà. Et puis, on va mettre un morceau. Ah, un morceau de la bande son. Donc, ouais. Qui a fait cette bande son? J'ai fait cette bande son. Oui, ah, oui. Voilà. Oui, bien sûr. Nicolas Muret. Tout est très. Tout est... Original soundtrack by Nicolas Murer. Voilà. Ok. Ok. Et donc, on va écouter un morceau. Ouais. Donc, lequel est-ce? Un long morceau, ou plutôt un long morceau, ouais. Bah ouais, si t'as envie, hein. Le morceau thème, plus ou moins. Ouais. Ou le générique. Le générique, mais je me rappelle plus. De fin. Ah, de fin. Ah ben, ça c'est le morceau. Non, on va le garder pour la fin. Ça c'est le morceau fin, de la celui-là. Fin, ok. On va mettre celui-là. Voilà. Ok, à tout à l'heure, Nicolas. À tout à l'heure, tout le monde. Ok. Ça s'appelait, comment ça s'appelait ce morceau? Driving away to the desert. Ouais, to the desert. Parce que donc dans le film, ça correspond à la scène où tout le monde va vers le désert. Voilà. Pour assister à un séminaire avec des artistes qui font des présentations un peu bizarres. Mais bon, c'est pas tellement le sujet du film, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est pas forcément parodique, mais c'est pas forcément un truc qui fait très peur, parce qu'on n'a pas réussi à faire un vrai film d'horreur, donc c'est plutôt une comédie d'horreur. C'est une horrible comédie. Non. Non. une comédie d'horreur. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Mais comme il y a beaucoup dans les morceaux que j'ai choisis aussi, je pense que certains sont très drôles, quoi. Dans les morceaux que tu as choisis. C'est des morceaux d'horreur ou qui font peur, mais en fait, ils sont marrants. Ah oui, je comprends mieux. Ça m'a beaucoup inspiré. Elle, pourtant, la bande-son, elle, est totalement sérieuse. Hein. Oui, oui, c'est vrai, mais on n'a pas le même humour. Ouais. Moi et le compositeur, pardon. Le compositeur en a pas, en fait. Si, si, si, beaucoup. Mais pas dans la... Ou du moins, il n'était pas au courant de l'humour qui... Bon, là, c'est un humour de groupe aussi, puisqu'on était beaucoup à travailler sur ce film et à jouer dedans et à le tourner ensemble. Donc, c'est un humour qui devient un humour un peu de petite masse. Est-ce qu'un humour de groupe est un humour de gauche ? Pas dans ce cas présent, mais plutôt queer, je dirais. Mais enfin, est-ce que queer est à gauche ? Normalement, oui, mais il faut vérifier ces derniers temps. Ouais. Ok, très bien. On vérifiera. Attention le chat. Ouais, attention le chat. Yes, super. Écoute, Lily, si tu n'as rien d'autre à ajouter, je te propose qu'on enchaîne avec les morceaux de rap que tu avais choisi. Bah, je veux bien en parler un tout petit peu, mais ouais, ou je peux en parler après peut-être. Non, on a qu'à les passer les trois et puis après je dis trois petits mots. Trois petits morceaux et hop, trois petits mots. Ah ouais, très bien, bravo. Alors, ou non, je le dis avant. Ouais. Bah, en fait, donc c'était aussi pour faire peur aux auditrices et aux auditeurs, donc c'est pas des morceaux d'horreur, mais c'est donc les histoires autobiographiques de Mr. You et ça se passe sur 3 années. Donc il y a 30 juin 2009, 30 juin 2010, 30 juin 2011, et à chaque fois il est dans des situations différentes. La première fois il est en cavale, la deuxième fois il est en semi-liberté, mais enfin il est en prison, et la troisième fois, bon bah ça y est, il est sorti, donc il décrit les états différents, et donc ne faites pas de bêtises si vous ne voulez pas aller en prison. Et donc il pourrait faire un morceau du 30 juin 2020 où il serait déconfiné, enfin bon. Ouais, par exemple, enfin bon, c'est pas... Justement, là, on en arrive à un sujet très épineux. Qu'on va pas aborder. Je sais pas si on va lancer la critique d'un texte écrit par un grand théoricien. Ça, c'est spécial qu'à se dédier à Olga Rosenblum. Ok. Par Preciado, qui a été très critiqué pour son parallèle, justement, avec l'incarcération, entre le confinement et l'incarcération. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai okay. un peu choisi tout ça, quoi. On est aux Entretiens de Grenoble. J'accueille Lily Reynaud. Pour une émission sur le thème pas seulement, mais aussi. Voilà, donc là c'est Mr. You et aussi spéciale dédicace à mon copain Nathaniel Monjaret. Ok. Merci beaucoup de me laisser parler, merci. Je lance le morceau là. Ouais. Ça marche. Mardi 30 juin 2009, 21h29. J'suis posé dans le 19, j'ai la flemme d'appeler une petite meuf. J'suis recherché par les keufs, mais j'm'en bats les couilles. Car j'sais bien qu'après la gamelle, c'est du caviar, les rannes les coulent. J'dois purger ma peine, mais j'compte bien la faire à la cool. J'ai dit à la crime pour faire de l'oseille, bientôt tu mettras plus la cagoule. Cristal ou veuve clico, la clim ou un ventilo. Micro stylo dodo, de la conce de 3 kilos. M'dira bizarre que la réussite. La mec, j'suis pas à une heure, moi c'est Mister, j'arrive tout de suite. Moi en fait, j'suis pas à une heure, message aux femelles, j'arrive qu'avec des amis mal, on fait tous des fautes, c'est pour ça que je dis qu'on est tous des animaux. On sort du sou, gataga mon gars, on veut récupérer nos sous et le tout sans frais d'avocat. Te casse pas, les coronets sort du porc, laisse-moi rouler un steak parce que là mon cerveau stresse, poteau. J'suis marteau et j'crois bien que j'vais te clouer le bec. Ouais, c'est le remake, mec. Hach, j'te fais petit mec. Si t'es un bâtard, tu peux garder tes commentaires. Là, j'suis en cavale, j'appelle Bacao, toujours incarcéré à Nanterre. Il me dit qu'il a le moral, il a pas besoin d'aide, mais il a besoin d'air. J'lui dis que moi ça va mal. Il me dit courage, tout passe mon frère. J'suis au resto en solo. J'suis assis, j'graille des brochettes. J'ai tout plein de projets. J'suis à Maxi la semaine prochaine. J'fume du shit et de la salade. Les comptes et j'les rends malades. Sur internet, j'les nargue. Et dans toute la France, j'me balade. J'fais que de grimper. Gros, ma carrière, c'est une escapade. T'as adieu si tu peux. Mais bon, entraîne-toi et fais de l'escalade. Aïe aïe aïe. Mercredi 30 juin 2010, 21h27. Ça fait près d'une semaine qu'il faut l'air gars aux arrivants 7. Tu demanderas même quand c'est la merde, bah vraiment pas les coucounettes. Brasse qu'un steak alors je le roule sans faire tomber aucune boulette. J'appelle fou Ed, pas au vol télé, non par la fenêtre. Y'a eu la fouille ministérielle, j'ai dû le planquer. Ah ouais t'inquiète, pas dans la même semaine. Je reprends ce pu et je me rebranche. Non il m'en faut deux, ouais, il me faut une plus wig, une plus orange. Star si je me verrais bien en train de me rapta dans un rang. Du gâteau, un petit verre de vodka avec un zeste d'orange. J'ai envie de faire du rodéo, une petite laisse avec des coups de hanche. Trop souvent on m'a boycotté, je suis rancunier. envers beaucoup de hanches. J'allais bien se faire enculer. La roue fait pas que du surplace. On m'a dit, et toi, elle si elle t'aide. Ah, ouais, c'est pour ça que je me surpasse. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'ai ce qui se passe dans ma cité. Les petits ont repris le rinté, donc les grands ils sont surexcités. Quand la tension devient trop forte, les plombs sont obligés de sauter. Armé de mes cordes vocales, l'instru je traîne la ligotée. Soit pas de parloir, soit débrouillard, obligé de traficoter. Quand en plein cœur de la chose, faut juste voir le bon côté. Quand on me pose la question, wesh, ouais, alors comment vont les amours? Je réponds, ils vont bien, sont sur la gueule, se partent presque tous les jours. Dites à Zemmour qui s'étonne pas que je contienne autant de haine en moi. Je constate, plus les années passent, plus elles sont rares les peines en moi. J'ai envie de faire beaucoup très bête, investir dans mon bled. Je kifferais rentrer à peine moi-même, ce qui jadis c'est à moi-même. La charité, faut que je leur donne bien, donc je la commence par moi-même. Les faux, je leur donne rien, si ce n'est un savon quand je suis même. J'ai un fusil, je fais pas de kawan, je suis le genre de mec qui vend de la wan d'awa. Non, je viens pas de lui, si crois-moi, elle a pas le profil d'awa. Bon bah, je vais me faire un petit kawa, vu que là il est déjà 7h du mat. Suite, faut que je dorme, Inch'Allah, dès que j'en fais l'audimat. Jeudi 30 juin 2011, 14h11. T'écoutes mon 11, non, je suis plus en 11. Je porte la mer, frère, je graille des gambasses. Tu tous en tâche dans le verre, je vous embrasse. Ougatam noir, rentre bien ça dans vos mémoires. Je répète, Ougatam noir, comme promis le rap est à moi. Après avoir traversé le désert, je compte faire mumus dans la baignoire avec une jolie masseuse. Foufou n'a l'air sous son peignoir. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, bande de bâtards. Et autour des poignets, fuck les menottes, je veux une autre marque. Quand on roule un ster, on redémarre avec brûlé, avec pina ou direction l'oreille Delmar. Je fais ce qu'il me plaît, feu rouge ou feu vert, j'accélère. J'appelle Fredo Rivier, je commande Fufé, Bentley ou SLR. Cette année, rime avec très, très, très gros salaire. Mysterio est dans la place, donc toutes les gosses salaires. J'ai pas attendu l'épiphanie d'Awa pour vendre la galette. J'ai pas attendu que tu baisses la garde, mon gars, pour te niquer ta mère. Ça me fait plaisir de boire du cristal après ces années de galère. Après tous ces freestyles, big up à sa mère et on fend de la gamme. Et on se baracane sur la croisette. Trop nerveux d'Awa pour booster ton YZ. Passe ta chamax, suffit d'un crochet ta tarape. Toqué sous, gâte ta gaz, t'es trop stock, non, salut ta race. La rue c'est ma femme, donc légalement je suis son conjoint. Là on est le 30 juin, eh. Aujourd'hui je vais me rouler 30 juin. Puis pour me mettre bien, je vais péter 4 bouteilles de Sky. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Aïe aïe aïe aïe, 30 juin ça fait beaucoup quand même, hein. En un seul jour, non? 30 juin, ah ouais, ouais. Ben c'est ouais. C'est ce qu'il va faire à la fin. Mais... Ouais, ouais, ouais. Je voulais aussi dire à tous les digital natives que lui, il a sorti une mixtape qui s'appelait MDR, mais ça veut pas dire mort de rire. Ah. Ça veut dire mec de rue. Ok, très bien. Tu merci. Vois, même moi, je me trompe. En quelle année? 2009, je crois. 2008, je sais pas. Okay. 2007, I don't know. Dans les années 2000. Dans les années 2000. Et donc, on aurait... un enfant de 7 ans aurait pu écouter cette musique. Tout à fait. Voilà. Donc les trois morceaux figurent sur le même album qui s'appelle Dans ma grotte et ils s'enchaînent. Bon, ouais. C'est ce qu'il fallait. Ouais, ouais, ouais. Ce fallait. Oui, oui. C'est important, pardon. Très bien. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour la suite? Alors, Nesbill, La ouais. Salade, enfin Amnesia. Donc Amnesia, là, avec un Z, hein. Amnesia. Avec un Z. Ouais, bon là c'est la vidéo quoi qui est un peu horreur. C'était une copine Lorraine Huret qui m'a montré ça il y a longtemps. Je pense quand c'est sorti 2009. Voilà une sorte de bouche de Joker là, la serrée. Mm. C'est dans une cave. Voilà bon pour la salade quoi. Ouais, la vidéo sur YouTube est de très mauvaise qualité. Je crois que c'est la vidéo sur YouTube qui a la plus mauvaise qualité. Ah bon? Ouais. Quel ou de moins le son est le plus numérique. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est possible, c'est possible. Compressé hein. 28 kilobits par seconde. Mais c'est une très belle vidéo hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mémorable. C'est vrai. Hein. Ouais, et j'ai appris en faisant du. Tu voulais pas faire une blague? Ben ça y est, je l'ai faite. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était MDR, au mec de rue, mais bon, c'est pas marrant. Non, mais j'ai vu qu'il avait sorti un label fictif qui s'appelle Verbal Brolic. Enfin, il avait fait un label fictif, pas sorti, mais bon, bref, tu m'as comprise. Ouais. Avec son frère. Donc, un label fictif, ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de sortie. C'est pas un. Ouais, sans doute. Mais ouais, Nesbill, si tu veux, on peut écouter Nesbill direct ou un morceau de la bande originale du film. Et puis après Nesbill, qu'est-ce qu'on peut se mettre je sais pas, Driving Back to Marfa. Ah bah non, c'est un peu le même. Joanna's vraiment. Nightmare. Ouais, voilà, Joanna's Nightmare. C'est parti. Alors je coupe ça et j'envoie ça. Les entretiens de Grenoble. Merci. Amnésia, la meilleure salade vient de chez moi. T'oublies tout si tu fumes comme moi. Moi, ça se mélange dans les coïbas. En bas, en bas. Darbeda, Darbeda. Hashish mon nene, gros derma. Khoya, n'oublie pas de ramener le kara. Beris, capitale des dermas. Amnésia, salade, la salade. Amnésia, salade, la salade. L'amnésia, la salade, la salade. L'amnésia, salade, la salade, la salade. Vodka Red Bull. Ton pilon c'est la frappe, c'est les craques qui fait des buts. Vodka Red Bull. Ton pilon c'est de la frappe, c'est les craques qui fait des buts. Dans tes pots. Y'a que pour du cash qu'on risque le cachot. Chauffer les pâtes au ton réchaud. Jeter la salle si fille au corbeau. Oh, oh, oh. En lambeau. Ma vie part en couille depuis l'ando. Un brolique caché dans les abdos. Ce soir c'est l'aquarium à télo. Amnésia, la salade, la salade. L'amnésia, la salade, la salade. L'amnésia, la salade, la salade. L'amnésia, la salade, la salade, la salade. Vodka Red Bull. Ton pilon c'est de la frappe, c'est les craques qui fait des buts. Vodka Red Bull. Ton pilon c'est de la frappe, c'est les craques qui fait des buts. L'amnésia dans la cellule. L'amnésia. Ce soir je folle comme une libellule. L'amnésia. C'est le son du terre-terre. Hashish monnaie. Jamais à terre. L'amnésia. Vodka Red Bull. Puis nous c'est de la frappe. C'est les craques qui fait des buts. Vodka Red Bull. Puis nous c'est de la frappe. C'est les craques qui fait des buts. Vodka Red Bull. Vodka Red Bull, la salade, vodka Red Bull, la salade. Ton pilon c'est de la frappe, c'est les craques qui fait des buts. Vodka Red Bull, la salade, cocktail Molotov. Ah ouais. Un rêve certitude. Chaque fois que je fume la salade, l'amnésia, je prends de l'attitude. Je titube sur le fil du rasoir, niggas. Troisième album, il arrive. On est dans le forêt. Votre carré de bulle, est-ce que t'aimes ça, Lily? J'adore, j'adore. Ah bon? Ouais. Je t'en ai jamais vu boire. Pas mal cette fin là. Si, si, j'en bois, mais c'est des moments de la nuit où tu vois plus. Ah, crac. Ce que je fais. J'imagine que c'était le prochain morceau, mais qui a, ouais, qui s'est coupé. Alors, je mets la petite musique de fond. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau? Plusieurs choses qu'on a dit hors antenne, mais qu'on peut répéter maintenant, peut-être ou pas. Vas-y, pas. Toi, tu as fait une remarque. Alors, c'est donc un sample de Cudi. Si voilà. Et puis, c'est aussi Kid Cudi dont le morceau est utilisé dans l'émission de France Culture Soft Power que tu abores. Que j'aborde. Que j'aborde aussi. J'aborde. Donc c'est pas une... Bon bref, voilà, c'est la mauvaise utilisation. Oui voilà, bon. N'en parlons plus. Sinon Nesbill qui faisait partie de Lunatic, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. Ah oui, je savais pas ça, d'accord. Ouais, au tout début. Ok, tout début. Ouais, mais il sentait un peu écrasé. Alors, j'imagine. Est partie. Et puis après, bon, il a fait quand même des trucs pas trop bien, quoi. Mais ouais. Des trucs bien aussi. Ouais. Très bon morceau en tout cas. Très bien. Très belle vidéo. Ouais, c'est vrai. Vidéo, morceau. Okay. Alors, je vais répondre en direct sur des petites questions qu'on a sur le chat. Ouais, il y aura une distro souffle continu. Ouais, il y aura toutes les distros parisiennes. Voilà, pour cet album. Voilà, c'est tout. Et donc, effectivement, c'est Maurer. C'est pas. Enfin, ce sera pas. Le nom du musicien ne sera pas Maurer, mais ce sera Nicolas Murer, mais on va dire que le personnage utilisé, l'identité musicale utilisée pour faire cette musique est effectivement celle de Maurer. Qui n'est noble, bah, c'est quand même un peu nice. Voilà, excuse-moi Lily de répondre au chat. Voilà, qu'est-ce qu'on peut enchaîner justement avec peut-être un petit morceau Un petit Maurer Murer. Un petit. Le sirop commence à faire effet. Un petit morceau de cette bande originale de Beyond the Land of Minimal Possessions que tu as réalisé en 2017, novembre. Tournée. Ouais. Fear. Réalisé. Tournée. On réalise pas un film, on le. Ouais. Ah oui, tournée. Ouais, d'accord. Oui. C'est long. Eh bien, Fear est pas mal. Fear, très bien. Pas mal et très fort. Parler dans le micro, s'il te plaît. Ah pardon, je ne savais pas que nous étions à l'antenne. Et si, Donc ça c'est le morceau qui s'appelle Heights Corps and Ramayas Conference. Oui, c'est un montage où on voit un cadavre dans le désert et à côté un groupe qui ne voit pas ce cadavre et qui fait une gym assez conceptuelle et classée dans l'histoire de l'art. Ah ouais ? Ouais, ouais. Bien classée. Bien classée. Enfin, c'est une référence à une performance d'une artiste, je me souviens plus son nom. Ah. Andrea... Non, c'est pas ça. Non, non, non, pas du tout. D'accord, excusez-moi. Ok, donc on remet un morceau de cette BO ou... Ah bah il y en a une qui enchaîne. Ouais, allez on y va. Ok. On peut parler dessus, là c'est un... Non, faut écouter ça. Ouais, ok, j'en parlerai après. Ouais. Yes. J'avais un truc à dire sur ce morceau, c'est qu'il a déjà été publié sur le label After Hours Hidden Prostitute. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on enchaîne ? Donc, il ne nous reste plus que 17 minutes et on a encore pas mal de morceaux. Donc on va cut the crap, comme on dit en anglais. Donc là on va mettre... Là on va mettre un morceau de Cool Keys de The Undertakers. Donc là c'est une formation... vraiment horrorcore. Okay. Voilà, il y a toute une histoire, c'est une sorte de, comment on appelle ça, les concept albums qui racontent une histoire. Voilà. Comment il s'appelle celui-là d'ailleurs ? Ah oui, Grave Undertaking. Donc il y a plusieurs personnages. J'arrive pas à retrouver qui est la rappeuse. Son nom est M. Balmer, mais je trouve aucune info sur elle. Elle rappe très bien. Je sais pas si on l'entend dans celui-là. Il y a Three Six Mafia. Break the law, nigga. Like a million cars deep in the cemetery, I'm dressed in black, high heels, black veil, and a strap. Homie shedding tears about it, reminiscing on the yesteryears, how we kicked it there. It's a great day for Undertaker. Jim, back the truck up. I'm backing it up a little further. Hurry up, back the truck up. Got you. 100% of you think you're popular. I haven't watched cable and television in 20 years. You catch the hook. I don't even know how the average jackass with a jersey look. Check the format, Mr. Mrs. Unknown. I'm like the Amish people. Candles, no phone, although jocked by many stars. Who copy me, still on my bone. Been riding limos, watching crossing guards move you to the immature zone. From top to middle, down to the bottom, you face the highway looking at Leatherface. 3 miles away, you'll be in the wrong place. I will make the move with the truck. The funeral director will come with his own black suit and an inspector. The step in his ride, you will be seen. When the cow walks at night, midnight, with the leather hide, I will walk and stand in the dark zone with the light from the lamp. This is no sleepaway camp. That's right, I am the funeral director, and we do not run a sleepaway camp here. We only take manic depression, mental patient in a basement smoking wet in the morgue with a sword, 5 candles burning, meditate. We got no Ouija board. My omnipotent potential crush scores chewing through your favorite rapper's nails. Walking with body parts in LAX airport with a briefcase kept confidential. A natural born menace running loose through your neighborhood residential, urban suburban section, a killing machine with 187 credentials. Mobulating through South Central, South Bronx, walking through South Chicago. Ivan Durago, Red Dragon, Hannibal, cannibal chewing through human jaw bones. Handle your mandible with an iron claw. Black iron eagle with evil thoughts. I release human form, drink blood drops. Love to watch when a body drops. When a shiny pops, better drop. When I strike your turf, cause if you don't run and hide, it's suicide. I'ma stun your hide and leave you 6 feet underneath the earth. Serial killer like Ted Bundy. On the mic, I'm Adolf Hitler. Far worse than Osama Bin Laden plotting on hell. When I get there, I'ma kill the devil first. Then put his head up for sale. Put his head out for sale. Put his head up for sale. Yes, we will put his head up for sale. His heart, his liver, his whole internal organs. We don't play here. We undertake here. So remember, it's a grave undertaking. Get down, bitch. Get on the motherfucking ground, ho. Hypnotized motherfucking count posse in your goddamn house, nigga. Gangsta Boo, Crunchy Black, Lord Infamous, DJ Paul, Juicy J, LeJack, and my new nigga, Frazier Boy. Like you thought it'd never happen to you, bitch. Hypnotized count, bitch. Step into this mask. Get your ass fucked up, bitch. 44 blasting. You niggas looking at me hard. Gangsta the assassin, gonna catch a fucking murder charge. Fucking with you, Memphis motherfuckers. With that whole shit. Circulating gossip about the lady. What's the business, bitch? If you really got a fucking problem, let my niggas know. How you gonna handle? Yeah, the wrath of a killer hoe. Nigga of a killer hoe. Make the wrong move, then bodies get bruised. Talk too much food, then I duct tape you. Act a damn fool, then get treated like a fool. What did I do to get stuck in these shoes? Ooh, the fucking ooh when you see me come through. Lock it fucking low when I pop at you. Do the damn thing, nigga, do what you do. Ain't no attitude, I'm just being like you. I'm knocking down you niggas' doors. Fucking all you niggas' hoes. Get out the way, I'm throwing bows. A nigga hurt, don't stop no show. Straight out the bay, a nigga real. Don't try to fake the fucking deal. All my dogs, I know it's trill. I'm out here trying to get a meal. Fucking with that hypnotized. I can see it in your eyes. It's Frazier Boy, it ain't no lie. You can kiss your ass goodbye. I've been branded, that's the ACP. Niggas, don't you fuck with me. Just like us, I'm breaking heat. Run up, nigga, you gon' see, bitch. What's the horror? Very morbid. Chains are roaring, niggas' blood is pouring. Awesome war, I invented the torment. 44 got all the slugs are soaring. You're the target, hope you can absorb it. My mortuary's got plenty of storage. I got some shit that launch your ass into orbit. Close the casket, obituary report you. Now I'ma break it down for you since you bitches don't know. Just because you sound a selecto, you ain't a CEO, you gotta sell some records first. That's part of the plan. Let's try to see if you can get more than 20,000 on SoundScan. You whack as bitches, man, you playing with this cheese. You need to get up on 80 G's and holler at me. That's the discounted price for a hypnotized beat. On my wall I got some goals and I got some PTs. I bet I'm from the hood, I ain't no good. We 20 niggas deep, we roll a lot wood. You can't face me, you do amaze me. You say you own top, so why you hate me? You mugging, you staring, but I ain't caring. Or is it my watch, the platinum, the carrots? But why you wanna do what grown folks do? Like go to house with dubs and crank with 22. I'm putting the city on lock, I finna load up them blocks. I'm gonna blow up the spot, when you get wrong, you get popped. Can't know this just up to get, but you can't kill off the man. You fucked up, now you know that. I hope you watching your back. I give you props of rapists, them killers give me your shit. Lil' Jack gon' blow up the weed, while you keep crossing your knees. I hope you ready for war. Classique, classico. La chat, Murder She Spoke. Wolfpack. Wolfpack, bon, rien à dire. Rien à dire. Moi, j'ai des trucs à dire, c'est que j'ai écouté un peu les albums en entier où il y a ces morceaux, et à chaque fois, il y a une intro et une outro. Et à chaque fois, c'est les mecs qui introduisent les albums de la chat ou Gangsta Boo. Et inversement. Voilà. Hein. Ah bon ? Mmh. Donc les femmes introduisent les. Ouais, les... pas mal, dans plein d'albums de Swiss X. Ok, bon, bah, autant pour moi. Mais bon, mais par contre, elle en a sorti beaucoup moins. Donc, c'est quand même un peu inégal. Mm-hmm. Ok. Ok. Et donc, tu voulais mettre. On peut parler de morceaux que tu voulais pas mettre Tu peux pas mettre parce qu'on n'a pas assez de temps. Je peux pas mettre. Bah non, mais c'était un autre morceau de Cool Kiss, The Undertakers. Donc, ouais. Ça va. Après, il y avait. Ça va. Je me tais hein, comme ça. Tu peux écouter la musique de cette nouvelle sortie. Ah ouais. Beyond the Land of Minimal Possessions, original soundtrack. Mais tu voulais mettre Beaconhead et Chickenhead. Ah parce oui que, oui non mais ouais c'est ben, juste évoquer un morceau de Cardi B sorti en 2018 et puis un morceau de 3-6 sorti en 2000 pour évoquer non seulement les homonymies. Mais aussi bah, la circulation dans le rap, les choses, on les prend, on s'en sert. Bon, est-ce que les morceaux sont vraiment équivalents? Je n'avais pas un commentaire trop moraliste. Non, il faut qu'on fasse une autre émission pour bien les écouter. Ça marche, très bien. Mais j'en veux pas Cardi B. Hein. Non. Pas du... non, vraiment, je serais très mal placé. Ok, alors on va enchaîner. Donc, enchaînons. Pas trop bien ce terme enchaînant. On va continuer. Bah on va terminer surtout. Ouais, avec. Non, bah non, on peut encore mettre. Allez, un morceau et un demi-morceau. Okay. Lil Kim, ouais. Mm-hmm. The Notorious Kim. Ah bah voilà, là il y a enfin le truc. Alors ouais, Notorious ça c'est quasi. Bean, c'est pas son Kim. Début album, mais c'est le deuxième album. Et puis je le trouvais. J'aime bien ce morceau parce que c'est une sorte de faux procès. Enfin, c'est un procès. Voilà. Avec un juge et puis une prévenue, ou comme on dit, une inculpée. Je me souviens plus très bien du système judiciaire que j'ai pourtant étudié. Américain, mais là c'est le système américain, plus, donc oh c'est là pas là pareil. Oh là là, oh là là. Voilà. Donc ça s'appelle Lil Drummer Boy, avec yes. CeeLo et Redman, que tu adores, Redman. Ouais, non, pas spécialement. Ah non, je confonds avec Red Rat, pardon. Redman, c'est... qu'on voit avec Dustin Hoffman. Will the court please rise? Judge Funk Dr. Spock residing. Your Honor, Little Kim is a threat to society. She has shown a blatant disregard for the law and has killed 6 fine law enforcement agents in the line of duty. For these vicious acts, she should be punished to the fullest extent of the law. Pardon me, Your Honor. May I address the bench? They trying to assassinate me like they did to Larry Flint. Excuse my persona. I may be hardcore, but I'm not Jeffrey Dahmer. Ever since I killed him, I ain't been in trouble since. It wasn't my fault, I acted out of self-defense. He killed my best friend. Who's him? I mean them. They was all dressed in blue, and they want me dead too. They had real grenade bombs inside of their palms, and a whole bunch of guns wrapped tight in their arms. See, them bastards woke me up when they broke my alarm. I was getting my ass licked by this cat named Tom. I heard Stop. Cock, that's when Tom dropped. They sent the bow and arrow right through his tank top. She's lying. Lying? Blood was gushing on the floor. Fingerprints all on the door. Need I say more? Pulled out the molten can and shot blows after blows. Blew them clean off their toes. They went down like dominoes. I think it was the Matrix. I mean, it was the Matrix. What was I to do? Sit back and just take this? Yo, I'm telling you now, if I lose this debate, like the dead presidents, I'm going out like a rinse tape. See, I ain't gonna be stupid. I'ma take all y'all to the shift. I should be able to say what I want. What the fuck? I plead the fifth. Fuck that, CeeLo. I got to save the world, the first female king. And they mad cause I'm a girl. With all due respect, Your Honor, excuse my client's temperament. We went bad in social intelligence with so much innocence we have to implement. She was slightly out of place, but if you grant us a grain of your grace, I'll assure you it's only stress due to the severity of the case. Imagine for a minute yourself in the same shoes, the same sense of survival, and the same nothing to lose. Children, your lovely wife, I mean, look at her. The only thing she's guilty of is having no choice in the matter. On coupe un peu avant la fin parce qu'il ne reste que 3 minutes. Et on veut mettre le morceau phare qui sera un phare. Single immémorial de Beyond the Land of Minimal Possessions. Ok, donc c'est le nom du morceau. C'est le nom du morceau, c'est le nom du film. Ok, voilà. Allez. Et je conseille le sirop Toplexil. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci pour tous. C'est bonne vie. Attention, ça va être un cut bonne mort. Violent. Merci.